الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد صمتم شهر رمضان فهنيئا لكم أيها الصائمون وصليتم بالليل والناس نيام فهنيئا لكم هذا يوم عيد الفطر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأبشركم ببشارة نبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن نعمة الله علينا بعض القيام بهذه الفريضة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام أن أكرمنا بهذا اليوم العظيم عيد الفطر عيد المسلمين وهو يوم فرح وسرور وشكر لله عز وجل على توفيقه وامتنانه تبارك وتعالى فهل من شاكر ألا واعلم عباد الله ألا واعلم عباد الله أن السعيد في يوم العيد ليس من أدرك العيد ولبس الجديد وإنما السعيد حقا من حقق التقوى تقوى الله عز وجل وأرضى الله تعالى وأعتق من نار تلظى وهنا أطرح سؤالا وهو ماذا استفدنا من صيام شهر رمضان وما أراد الله عز وجل منا قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه حكمة فرضية صيام شهر رمضان كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالصيام شرع للتقوى، وحقيقة التقوى يا عباد الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والترك لمعاصي الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله عز وجل يا عباد الله، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل أمر الله تبارك وتعالى لسيد المرسلين. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله سبحانه وصية رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وفي حجة الوداع في خطبته صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. تقوى الله عز وجل فلا حكم، تقوى الله سبحانه وتعالى عزكم وشرفكم. قال أبو سعيد: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، فمن خرج من صيام شهر رمضان بتقوى الله عز وجل فهو الفائز وهو السعيد وهو الناجي. ومن خرج من شهر رمضان بالجوع والعطش فقط فقد خاب وخسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. اتقوا الله عز وجل في حقه الأعظم، توحيده وإخلاص الدين له. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأنزل الله عز وجل جميع الكتب وأرسل جميع الرسل لأجل هذه المهمة العظيمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اتقوا الله عز وجل في الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة وثيقة بينك وبين ربك عز وجل. وقال النبي عز صلى الله عليه وسلم: ومن تركها فقد كفر. قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الصلاة قرة عين الموحدين ولذة العابدين، وأول ما نسأل عنها أو عنه يوم القيامة: بها يغفر الله لك خمس مرات ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه فوضعت على رأسه، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه عنه، تساقطت ذنوبه عنه. اتقوا الله عز وجل في نبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بمعرفته وبتصديقه في أخباره وبطاعته فيما أمر وباجتناب ما عنه نهى وزجر وبعبادة الله وفق ما أمر وعلم وبين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فدينكم أيها المسلمون دين كامل شامل لكل زمان، صالح لكل زمان ومكان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاستمسكوا بطريقة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن خالفها غرق. اتقوا الله عز وجل، اتق الله يا عبد الله في والديك، فقد أوصى الله عز وجل، أوصاك الله عز وجل بهما. فقال الله عز وجل في كتاب الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إخواني الكرام، اتقوا الله عز وجل في زوجاتكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله وتزوجتم على كلمة الله أو على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، وقال: استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة المسلمة الصالحة مكرمة معززة أكرمها الله عز وجل بهذا الدين العظيم، فأيما امرأة تمسكت بدينها أفلحت وأكرمت، فيعزها الله عز وجل بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. وبتقوى الله عز وجل يدخل في بيوتكم السرور والراحة بإذن الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. على المرأة المسلمة تقوى الله تبارك وتعالى وتعلم دينها ولزوم صراط الله المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وعليها أن تحسن إلى زوجها، فإنه جنتها أو نارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل في أولادكم، في تربية أولادكم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن لولدك عليك حقا. فاتقوا الله يا عباد الله في تربية أولادكم ومراقبتهم واختيار أصحابهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. عباد الله، اتقوا الله في إخوانكم. الأخ في الله عضو منك، الأخ في الله عضو منك نفيس جدا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتقوا الله عز وجل في كسبكم وتجارتكم، عليكم بالرزق الحلال الطيب فإنه مبارك عليكم، وإياكم والعمل الخبيث المحرم فإنه ندامة وخسارة. قال الله: وكلوا مما رزقناكم أو مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. عباد الله، عباد الله، هذا الاجتماع يذكرنا بالرجوع إلى الله عز وجل بيوم الحشر والنشور. فهذه الأيام من شهر رمضان مضت بسرعة عجيبة، وهذه الأعوام كذلك، وسوف نقف بين يدي الله عز وجل ونسأل عنده، ثم مصير الجميع، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومصير المتقين أيها المؤمنون ما هو؟ قال الله عز وجل: يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال: وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله أو لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا أجمعين من المتقين، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا، إنه سميع كريم مجيب الدعوات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Bonne nouvelle à vous, chers frères, ce grand jour de fête qu'Allah Azza wa Jal vous a légiféré, Eid al-Fitr, cette grande fête en islam, qui est la deuxième des grandes fêtes avec Eid al-Adha, ce jour de fête et de joie qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Bonne nouvelle à vous, vous avez jeûné le mois de Ramadan. Bonne nouvelle à vous, vous avez prié durant les nuits du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam vous annonce une grande nouvelle. Recevez-la donc. Il nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra ses péchés passés pardonnés. Recevez cette bonne nouvelle. Allah Azza wa Jal nous a légiféré ce grand jour de fête à la suite de ce pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. C'est un jour de joie et de bonheur pour les musulmans, mais aussi et surtout un jour de reconnaissance devant cette grande assistance qu'Allah nous a accordée et cette grande aide qu'il nous a facilitée pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y aura alors parmi nous des serviteurs reconnaissants devant ces grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal? Sachez qu'en ce jour de fête, le bienheureux n'est pas celui qui est encore vivant et celui qui porte des vêtements neufs et qui recevra de nombreux cadeaux. Mais le bienheureux parmi nous sera celui qui sera sorti du mois de Ramadan en ayant concrétisé la piété, la crainte et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura reçu l'agrément d'Allah et aura été affranchi de l'enfer. Et ici une question qu'on doit tous se poser. Qu'avons-nous tiré du jeûne du mois de Ramadan? Qu'avons-nous tiré comme leçon du mois de Ramadan? Avons-nous fait ce qu'Allah Azza wa Jal voulait de nous? Allah Azza wa Jal nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, c'est-à-dire du mois de Ramadan, tout comme il l'a été aux générations avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Voici la sagesse pour laquelle le mois de Ramadan, ou le jeûne du mois de Ramadan, a été légiféré. Et la réalité de la piété, comme l'a dit Talq ibn Habib, rahimahullah, c'est le fait d'agir avec l'obéissance d'Allah, suivant une lumière émanant de lui en espérant sa récompense, et de s'éloigner de la désobéissance d'Allah, suivant une lumière émanant de lui par peur de son châtiment. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah. Craignez donc Allah, ô serviteur d'Allah. C'est certes la recommandation faite par Allah aux premières et aux dernières générations. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, nous avons certes recommandé, nous vous avons certes fait des recommandations à vous, ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous, de craindre Allah. Voici la recommandation faite par Allah aux premières et aux dernières générations. Voici l'ordre d'Allah à la meilleure de ses créatures. Ô prophète, crains Allah. Voici la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam à Abu Dhar, crains Allah où que tu sois. Lorsque Abu Saïd a dit au messager d'Allah, fais-moi des recommandations, il lui a dit, crains Allah, je te recommande de craindre Allah. C'est certes la tête de toute chose. Et le jour de Hajjat al-Wada', lors de la khutbah, il a dit aux compagnons, craignez Allah votre Seigneur, priez vos cinq prières, jeûnez votre mois, acquittez-vous de la zakat, de vos biens, obéissez à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous, et vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Et vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. La crainte d'Allah Azza wa Jal est la noblesse de l'homme. Et la noblesse de l'homme, sa force et son élévation. Celui qui sort du mois de Ramadan avec la piété, voici celui qui aura réussi. Mes chers frères en islam, je ne permets pas qu'on me filme. Veuillez ne pas me filmer et effacer ce que vous avez filmé. Barakallahu fikoum. Craignez Allah Azza wa Jal et arrêtez de filmer. Il n'y a aucun bien dans cela. Il n'y a aucun bien dans cela. Je vois des lumières sur certains téléphones. Je leur demande de craindre Allah Azza wa Jal, d'effacer cela. Et ceux qui ont filmé pendant le mois de Ramadan, durant Salat al-Taraweh, puis eux qui ont posté cela, la bonne opinion d'eux, c'est qu'ils ont fait ça par ignorance. Je leur demande d'enlever cela. Et celui qui ne le fait pas, ana khasmun lahu yawm al-qiyamah. Celui donc qui sort du mois de Ramadan avec la piété, il aura réussi. Et voici le bienheureux. Quant à celui qui est sorti du mois de Ramadan avec la faim et la soif seulement, voici le grand perdant. Dans cette épreuve, voici le grand perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le nez soit traîné par terre, que le nez de celui qui sort du mois de Ramadan sans s'être vu pardonner ses péchés soit traîné au sol. Donc voici le grand perdant. On doit craindre Allah Azza wa Jal, certes nous avons compris cela. Mais dans quoi est-ce qu'on doit craindre Allah Azza wa Jal? Premièrement, on doit craindre Allah Azza wa Jal dans le plus grand droit d'Allah, dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, dans le droit d'Allah sur nous. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans beaucoup de versets du Coran de l'adorer seul sans rien lui associer. Il nous ordonne de comprendre la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il nous dit également, sur la traduction de ses sens, et votre divinité est une divinité unique, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et votre Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: et le droit d'Allah sur vous, c'est que vous l'adoriez sans jamais rien lui associer. Pour cela, Allah a envoyé les messagers. Pour cela, il a révélé les livres, pour qu'on l'adore seul sans jamais rien lui associer. Craignez Allah dans la prière. Le deuxième pilier de l'islam, priez avec assiduité et préservez cette prière dans les mosquées d'Allah à l'heure. Craignez Allah Azza wa Jal et accomplissez-la comme Allah vous l'a commandé. À l'heure qu'Allah vous a commandé, vous l'a recommandé, et dans les endroits dans lesquels Allah vous les a recommandés. Allah nous dit dans le Coran, sur la traduction de ses sens, préservez la prière, ainsi que la prière médiane. Il nous dit, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, celui qui la délaisse a certes mécru. Il nous dit également, lorsque la personne accomplit la prière, lorsque la personne se lève pour prier, on lui apporte ses péchés. On lui dépose sur la tête. Et à chaque fois qu'il se prosterne ou qu'il s'incline, à chaque fois qu'il s'incline ou qu'il se prosterne, ses péchés tombent. Allah Akbar. 5 fois par jour. Lorsque le serviteur se lève pour prier, on réunit ses péchés au-dessus de sa tête et on lui pose sur la tête. À chaque fois qu'il s'incline, à chaque fois qu'il se prosterne, ses péchés tombent. Rawahu al-Tabarani wa sahahu al-Allamah al-Albani rahmatullahi alayhima. En face, il y a une personne qui a garé sa voiture qui empêche une personne de partir au travail. C'est une Clio. Ittaqullah azza wa jal fi haqq al-tariq. Craignez Allah Azza wa Jal et acquittez-vous des droits du chemin. Acquittez-vous des droits du voisin. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et acquittez-vous de vos devoirs envers votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez qui était cet homme. C'est le meilleur de l'humanité. C'est la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez à le connaître. Apprenez à connaître sa sunnah. Obéissez-lui dans ses ordres. Éloignez-vous de sa désobéissance. Et veillez à n'adorer qu'Allah. Et cela qu'en conformité avec sa voix. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi alors. Allah vous pardonnera vos péchés. Ou Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Réjouissez-vous de cette religion qu'Allah vous a accordée. Cette religion à laquelle Allah vous a guidé, c'est une religion parfaite. C'est une religion complète qui est valable en tout temps, qui est valable dans tout endroit. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Elle n'a pas besoin d'être altérée. Nous n'avons pas besoin d'ajouter ou de diminuer. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous, l'islam. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous dit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est telle l'arche de Noé. Celui qui y monte sera sauvé. Et celui qui le contredit, la contredit, périra. Il faut suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne faut faire prévaloir nulle chose devant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères, craignez Allah envers vos parents. accordez-leur leur droit qu'Allah leur a accordé dans le Coran, leur droit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé dans la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces versets, et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère le porte peine sur peine et son sevrage a lieu en 2 ans. Soyez donc reconnaissants envers moi, envers vos parents, et c'est vers moi que se fera votre retour. Il nous dit également, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah vous fait des recommandations envers vos mères, puis Allah vous fait des recommandations envers vos mères, puis Allah vous fait des recommandations envers vos mères, puis Allah vous fait des recommandations envers vos pères, puis Allah vous fait des recommandations envers vos proches, du plus proche, en commençant par le plus proche, na'am. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'agrément d'Allah s'obtient avec l'agrément des parents. Et la colère d'Allah a lieu avec la colère des parents. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala envers vos parents. Chers frères, craignez Allah azza wa jalla envers vos épouses. Vous les avez épousées selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une amana et c'est un dépôt sur lequel vous serez questionné. Cette femme que tu as prise chez son père, elle était chez elle honorée, considérée et respectée. Cette femme est une musulmane, Allah l'a anoblie de par sa religion. Il l'a anoblie et il l'a élevée de par cette religion. Celui donc qui la prendra, qui ira la prendre et l'honorera comme Allah lui a enjoint, il sera élevé par Allah et honoré. Et celui qui tentera de la rabaisser en pensant qu'elle est faible, qu'il sache que son Seigneur est fort et puissant et qu'elle a un Seigneur tout puissant qui la défend et qui la venge. Craignez Allah Azza wa Jalla envers vos épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites des recommandations aux femmes. Il nous dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous avec mon épouse ou avec mes épouses. Il nous dit également, et elles ont des droits sur vous, que vous soyez bienfaisants envers elles. En craignant Allah envers elle, vous ferez entrer la joie et la tranquillité dans vos foyers. En craignant Allah Azza wa Jal, Allah mettra fin aux dissensions dans les couples et aux problèmes conjugaux. Et tous les problèmes qui viennent dans les couples sont dus à un manque de piété de l'un des deux époux ou des deux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Hafsa radiallahu anha a dit quelques paroles à Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consolé Safiya qui pleurait et il a dit, ittaqillah ya Hafsa, crains Allah oh Hafsa. C'est ainsi que doit être l'époux. Il doit recommander la piété à son épouse et il doit régler les problèmes avec sagesse et avec ilm, avec sagesse et avec ilm. Et les anciens disaient, je désobéis à Allah et en rentrant chez moi, je vois la désobéissance de mon épouse et même de ma monture envers moi. Donc les imperfections qu'on trouve dans nos foyers sont dues à nos fautes. La femme doit craindre Allah Azza wa Jal. Elle doit suivre l'exemple des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Elle doit craindre Allah Azza wa Jal. Et elle doit suivre les épouses des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Les prendre comme exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté, sa partie intime, obéit à son époux, il lui sera dit, entre au paradis, par la porte que tu souhaites. Entre au paradis, par la porte que tu souhaites. La femme doit rechercher l'agrément de son époux, car c'est son paradis ou son enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, vos épouses parmi les femmes du paradis sont celles qui, lorsqu'il y a une divergence, elles reviennent à leurs époux et elles mettent leurs mains dans la leur et elles disent, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait. Elle est humble et elle revient. Même lorsque c'est lui qui est injuste, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans les deux cas, qu'elle ait raison ou tort, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher son paradis. Ayyuha al-mu'minun, donc vous les croyants, craignez Allah envers vos enfants. Et vous devez parfaire leur éducation. Allah vous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, prémunissez-vous ainsi que vos familles d'un feu. Allah vous dit, Allah vous fait des recommandations au sujet de vos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, et vos enfants ont un droit sur vous. Enseignez-leur. Transmettez-leur ce qui leur sera profitable dans leur religion, dans leur bas-monde, dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Surveillez leur fréquentation, faites-leur de bonnes recommandations. Invoquez Allah en leur faveur et soyez pour eux avant tout des exemples. La meilleure des éducations est d'être mieux nous-mêmes pour que eux nous prennent en tant qu'exemple. Craignez Allah Azza wa Jal envers vos frères fillah. Ils sont tels un membre précieux. Ils sont tels un de vos membres précieux. Allah Azza wa Jal leur a donné de grands droits sur vous. Il vous dit dans le Coran, certes les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc envers vos frères. Il nous dit également, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous alors que vous étiez ennemis. C'est lui qui a uni entre vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ne vous enviez pas les uns les autres. Ne surenchérissez pas les uns au-dessus des autres. Ne vous détestez pas. Ne vous tournez pas le dos lorsque vous vous rencontrez. Ne vendez pas au-dessus des autres. Et soyez tous des frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il ne le trahit pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici. Et il a montré son cœur à trois reprises. Il a montré sa poitrine à trois reprises. Et il a dit, il suffit comme mal pour le musulman que de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour l'autre. Son sang, ses biens et son honneur. Craignez Allah envers vos frères. Réconciliez envers vos frères. Pardonnez, excusez vos frères. Invoquez en faveur de vos frères. Éloignez-vous de la médisance et de l'injustice. Ô vous les commerçants, ô vous qui travaillez, craignez Allah dans votre subsistance. Ô vous qui vous levez chaque jour pour aller au travail, craignez Allah Azza wa Jal dans votre subsistance. Craignez Allah dans ce que vous allez mettre dans le ventre de vos épouses et de vos enfants. Craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala et ne recherchez que la subsistance halal et bonne, car il y aura dans cela la baraka. Et ne prenez pas la subsistance haram, car il n'y aura dans cela que des regrets, que de la perte et que de la pauvreté. Allah vous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, mangez de la subsistance licite et bonne qu'Allah vous a octroyée. Et craignez Allah, celui auquel vous croyez. Écoutez ce hadith. Ô vous qui sortez travailler chaque jour, écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, viendra un moment, viendra une époque où la personne n'aura que faire de savoir d'où provient son argent. Est-ce que ça vient du halal ou est-ce que ça vient du haram? Est-ce que ça vient du halal ou est-ce que ça vient du haram? Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il nous dit également que la personne mette du sable dans sa bouche. Que la personne prenne du sable et le mette dans sa bouche, c'est meilleur pour lui que de mettre une chose haram dans sa bouche. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au marché. Et il a dit, Ya ma'ashara tujjar, oh vous les commerçants. Alors ils se sont tournés vers lui et ils ont levé la tête. Il a dit, Et tujjar, yub'athuna fujjar yawm al-qiyamah. Illa al-muttaqin. Wa man sadaqa. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit aux commerçants au marché, oh vous les commerçants. Ils se sont arrêtés, ils ont levé la tête et ils l'ont écouté. Il leur a dit, les commerçants seront ressuscités comme des criminels, des pervers yawm al-qiyamah, sauf les pieux parmi eux et ceux qui sont véridiques. Combien parmi les commerçants ils jurent Wallah, Wallah, Wallah? Combien parmi les commerçants ils trichent et ils vendent de la marchandise qu'ils disent être de qualité supérieure et qui, alors qu'il n'en est rien? Combien promettent puis ils trahissent? Combien ne respectent pas le dépôt? Combien utilisent l'usure al-riba pour commercer? Ils prennent et ils rendent avec des intérêts. C'est haram, ça fait partie des grands péchés. le fait de prendre des intérêts pour acheter une maison ou pour acheter telle chose ou telle autre, c'est haram, c'est un grand péché. Le prophète alayhi salatu wa salam vous dit, ne vais-je pas vous informer des grands péchés? Le shirk billah, le meurtre, al-riba. Al-riba fait partie des grands péchés. Comment après cela tu délaisses la parole du prophète alayhi salatu wa salam et tu dis oui mais shirk un tel a dit. Subhanallah. Tu délaisses la parole du meilleur, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu essayes de te faire des fatawas pour pécher et désobéir Allah alors qu'il te voit, qu'il t'entend et que les anges notent et que tu vas mourir et comparaître chez Allah demain. Crains Allah azza wa jalla dans la recherche de sa subsistance. Certains travaillent et il y a de l'alcool et ils touchent et ils portent l'alcool et ils savent que c'est haram. Ensuite, ils prennent leur salaire et ils mettent cela dans la femme dans le ventre de la femme qu'ils prétendent aimer et honorer. Dans le ventre de leurs enfants qu'ils prétendent aimer. Subhanallah, Allah nous a dit d'avoir peur de l'enfer, pas de la pauvreté. Et si on craint Allah, il nous donnera notre subsistance. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, il lui accordera une issue d'où il ne s'attend pas. Et il lui donnera sa subsistance où il ne s'y attend pas. Craignez Allah et vous obtiendrez votre subsistance. Et ne trichez pas, ne trahissez pas, ne volez pas, ne mentez pas. Car cette subsistance sera haram et ça ne sera que du feu qui entrera dans les ventres. Pour finir, ce mois de Ramadan est passé à la vitesse du vent. Tel un éclair, tel un clin d'œil, subhanallah. Il y a de cela quelques jours, on était dans la même position et on disait, le mois de Ramadan est entré. Et on se réjouissait de cela. Et voici qu'hier, dans cette même position, nous avons dit aux gens, le mois de Ramadan est fini. Certains vont se réjouir, parce qu'ils vont pouvoir repartir à la nourriture, à la boisson, à leurs épouses. Et ils vont délaisser la mosquée. Et ils pensent que dans cela, il y a le repos. Et d'autres vont pleurer parce qu'ils ont établi un lien solide entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont renoué leur lien avec Allah. Ils ont arrêté les péchés. Certains délaissaient la prière, ils ont commencé la prière. Allahu Akbar. Certains ne sortaient pas la zakat, ils ont sorti la zakat. Allahu Akbar. Certains fréquentaient des femmes dans le haram, ils se sont repentis et ils ont dit j'arrête cela, je reviens à Allah. Allahu Akbar. Certains travaillaient dans le haram, ils ont arrêté, ils se sont repentis. Et ils ont dit j'arrête cela, je reviens vers Allah. Allahu Akbar. Certains le priaient chez eux comme les femmes et ils ont connu la mosquée. Et ils priaient à la mosquée. Allahu Akbar. Certains délaissaient Salat al-Fajr au masjid. Et on les a vu remplir la mosquée au Fajr, même en venant avec leurs enfants. Allah Akbar. Certains n'étaient pas pieux envers leurs parents et ils allaient trouver leur mère, ils leur embrassaient la tête et ils achetaient pour elles tout ce qu'elles aiment. Et ils dépensaient, certains croisaient des pauvres, ils étaient avares auparavant et ils dépensaient pour eux. Durant tout ça, durant le mois de Ramadan, certains ne connaissaient pas leurs frères, ils ont rencontré leurs frères et ils ont découvert cette fraternité et cette union à la mosquée. C'est pour cela qu'ils pleurent du fait que le mois de Ramadan s'est terminé. Et certes, si le mois de Ramadan est passé et est terminé, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, huwa al-hayyul ladhi la yamut, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Et il nous dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et sachez que ce grand monde nous rappelle le jour dernier, le jour où on sera réunis, hommes et femmes, enfants et personnes âgées, pour comparaître devant Allah azza wa jalla. Et aujourd'hui, après le dhuhr, nous allons prier sur une personne qui est décédée. Certains n'ont pas fini le mois de Ramadan. Et Allahu A'lam, qui parmi nous finira le mois de Shawwal? Viendra un jour où on va mourir, où on va nous laver, on sera nus. On ne pourra plus parler, plus rien faire. On va nous laver, nous mettre dans l'encens. On va nous amener à la mosquée, au cimetière, on va prier sur nous. Ensuite, on va creuser un trou, on va nous enterrer. Et la mort ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, l'âgé et le jeune. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Viendra un jour où on va t'enterrer et te mettre dans la tombe. Puis viendra un jour où il y aura la résurrection. Viendra un jour où on va réunir toutes les créatures. Viendra un jour où Allah va nous appeler à comparaître. Viendra un jour où on va nous interroger. Alors on doit préparer ce jour-là. Alors on doit préparer les réponses. Waqifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les, ils seront questionnés. Arrêtez-les, ils seront questionnés. Savez-vous quelle sera la finalité des gens pieux? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la récompense des gens pieux. Et il nous dit que les gens pieux seront ressuscités en groupe auprès du tout miséricordieux. Les gens pieux seront ressuscités auprès d'un Seigneur miséricordieux. Allah Azza wa Jal nous parle des gens pieux, il nous dit que le paradis sera rapproché d'eux. Il nous dit que les gens pieux entreront au paradis en groupe. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'il y a une porte au paradis, une des portes du paradis qu'ils appellent Ar-Rayyan, la fraîcheur. Personne n'entrera par cette porte au paradis, si ce n'est les jeûneurs. On dira, où sont les jeûneurs? Ils vont venir, ils rentreront au paradis. Ensuite, on fermera cette porte et personne n'entrera plus par cette porte au paradis. Allah nous dit dans le Coran, et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur. Et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Quelle bonne demeure qu'est le paradis pour les gens pieux. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالجنة. اللهم تقبل منا صيامنا, اللهم تقبل منا صيامنا, اللهم تقبل منا صيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا قيامنا, اللهم تقبل منا قيامنا, اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منا والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لأمهاتنا, اللهم اغفر لأمهاتنا, اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة, اللهم ارفع درجاتهم في الجنة, اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نجنا من النار, اللهم نجنا من النار, اللهم نجنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pour finir, sachez que le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis qui fait suivre cela de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, aura la récompense d'avoir jeûné une année complète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والحمد لله رب العالمين.